Bon dimanche, il est 10h, et oui, on se permet d'arriver un petit peu plus tard en ce dimanche. On profite des draps, on prend le temps de ne rien faire, sauf si tu bosses, et dans ce cas, bon courage à toi. Et on kiffe ce dernier morning de la semaine week-end. Pour clore la semaine en douceur, trois chansons rock, pop, calme et planante. On rallume en douceur, prend un café, ou un thé, ou un chocolat chaud, ou un plaid, ou ce que tu veux. Et c'est parti. Calmons le jeu d'entrée. Coldplay démarre la journée avec Yellow, une balade avec deux ailes douce et lumineuse pour s'étirer et se réveiller en musique. Je te le passe tout de suite sur B-Soy. Shine for you. Premier tube mondial du groupe sorti en 2000, ce titre a été écrit très tard le soir dans un studio. La pochette de l'album Parachutes montre un ciel étoilé jaune, clin d'œil au titre, yellow ça veut dire jaune en français. Coldplay considère cette chanson comme une déclaration d'amour simple sous les étoiles. Et oui, parfois les choses simples sont les meilleures, pourquoi pas dire un simple je t'aime sous un ciel étoilé, ça peut ajouter une dose de romantisme. Et place maintenant à la minute curiosité, on va parler du titre Wonderwall de Oasis que je te passerai dans quelques minutes. Ce titre a été classé deuxième meilleur tube d'Oasis par les lecteurs de Rolling Stone en 2011, juste derrière Don't Look Back in Anger. C'est devenu un hymne pour les soirées improvisées à la guitare. Allez, on poursuit en balade avec deux ailes folk rock Radiohead et High and Dry, chanson mélancolique du groupe britannique, idéale pour rêvasser et idéale pour démarrer la journée en ce dimanche matin. Merci d'être avec nous, merci de te réveiller avec nous sur Bizoy. Extrait de l'album intitulé The Bends, c'est un slow rock basé sur une ballade, avec deux L toujours. Thom Yorke, le chanteur et principal compositeur du groupe, dit avoir écrit les paroles après que l'un de ses amis eut perdu sa petite amie, d'où ce sentiment d'être seul au monde, high and dry, qu'on peut traduire ici par abandonné ici. Place maintenant aux bons plans locaux, en commençant par une exposition internationale d'orchidées à Vogelsheim en Alsace. La salle des fêtes de Vogelsheim accueille chaque année sa traditionnelle exposition-vente d'orchidées. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux aller y admirer les plus beaux spécimens, un moment à ne pas rater pour les amateurs de ces belles plantes ou simplement si tu es curieux. Et si tu es curieux justement, dépêche-toi pour en profiter car ça se termine aujourd'hui. Allez, on reste en Alsace avec Van Gogh à Strasbourg, l'exposition immersive jusqu'au 26 avril, donc il te reste encore quelques jours si tu es fan de peinture et d'art en général. L'expo Van Gogh à Strasbourg est faite pour toi. Ça se passe au Hall Tivoli, avenue Ehrenschmidt. L'univers vibrant et tourmenté de l'artiste prend vie à Strasbourg avec Van Gogh, The Immersive Experience. Après avoir conquis plus de 5 millions de visiteurs dans le monde, cette exposition à 360 degrés débarque pour la première fois au Parc des Expos de Strasbourg et promet une immersion totale dans les chefs-d'œuvre du peintre hollandais. Je t'en parlais au début de ce morning, on termine sur un classique acoustique, Wonderwall d'Oasis, indispensable aux guitaristes et aux cœurs sensibles, et c'est tout de suite sur Bisoy. Profite. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. rédigé par Noël Gallagher, le compositeur principal, lead guitariste et chanteur occasionnel du groupe pour sa future femme, ce titre est devenu incontournable. Il est sorti en 1995 et fait amusant, le mot Wonderwall vient d'un film des années 60 et selon Liam Gallagher, le chanteur principal du groupe et aussi le frère de Noël Gallagher, il parle d'un mec qui n'arrive pas à dire qu'il est amoureux. C'est pas toujours facile, c'est vrai, d'exprimer ses sentiments envers la personne qui nous plaît. Si t'es dans ce cas, on est ensemble, ne t'en fais pas. Allez, avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bisoy en ce dimanche. Tu fais un reset tout en douceur, un redémarrage tout en douceur. Bélier, recharge les batteries tranquillement. Taureau, calme plus confort, égal parfait. Gémeaux, discussion légère, esprit léger. Cancer, cocooning validé. Lion, même chill, tu rayonnes. Vierge, organisé, mais relax, c'est important. Balance, tu retrouves aujourd'hui ton équilibre intérieur. Scorpion, une réflexion profonde va arriver pour toi aujourd'hui. Sagittaire, tu penses déjà à la suite. Capricorne, tu es sérieux ou sérieuse, mais tu es posé. Verseau, une idée surgit au bon moment. Poisson, douceur et intuition sont les deux mots qui illustreront ton dimanche. Allez, merci d'avoir passé ta semaine musicale avec Bisoy. Repose-toi bien aujourd'hui, profite de ton dimanche si tu le peux. Et je te donne rendez-vous demain pour commencer une nouvelle semaine. Et en attendant, c'est comme d'hab, tu as l'habitude. Sois, sens, vibre, be, feel, vibrate. Car Bisoy, tu sais ce que c'est. C'est LE son qui bouscule les codes. Allez, salut et à demain.